Il est 13h30, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante jusqu'à 14h. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Voici les signaux de télémesure reçus du laboratoire spatial pour études et analyses ultérieures. Cette semaine de l'année géophysique internationale. Je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans. À une chasse à l'homme internationale. Le big data, avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Big data et whistleblower. Le silicium écrase parfois le neurone. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, il manquera 200 000 data scientists. Il y a une volonté de rendre ces données publiques. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine, qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Et voilà le résultat. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse sans toucher les pieds de micro qui est devant vous parce que vous allez faire du bruit avec? D'accord. Je m'appelle Luc Jallon et je suis président des éditions du Seuil. Monsieur le Président, comment arrivez-vous à devenir, à arriver dans ce monde-là qui est le monde du livre, un monde dont on dit aussi souvent en ce moment que c'est un monde qui souffre, c'est un monde qui connaît les problèmes que tout monde du papier peut connaître, journaux y compris? Ben écoutez, j'y suis arrivé il y a plus de 20 ans maintenant, effectivement, et ceux qui m'ont accueilli à l'époque, les éditeurs et le patron des éditions La Découverte, qui m'a embauché pour la première fois dans un couloir de la maison d'édition, m'a dit, parce qu'on s'est tutoyé très vite, je donne pas cher du livre dans les années qui viennent, et en particulier de notre secteur à l'époque, qui était le secteur phare, qui était les sciences humaines. Et assez curieusement, aujourd'hui, je peux dire que les sciences humaines, au Seuil en particulier, et cette rentrée en témoigne, se porte très bien. Et ce qu'on a pu observer, ce que j'ai pu observer, ce que les auteurs ont pu observer, ceux qui vont en librairie parler de leurs livres, c'est un vrai renouvellement du lectorat. Un vrai rajeunissement du lectorat. Aujourd'hui, il y a un lectorat de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui va en librairie et achète des livres, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la non-fiction, c'est-à-dire les documents et les sciences humaines, pour y voir un peu clair dans la situation du monde qu'ils vivent eux-mêmes, je veux dire, dans leur chair. Alors on peut prendre en compte l'effort que vous, le vous collectif évidemment, éditeur, vous exercez dans ce domaine, mais si l'on va chercher effectivement du côté du lectorat, ce souci d'éclaircir le brouillard, il peut être autant vrai il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans auparavant, est-ce que vous diriez qu'il y a une tendance aujourd'hui plus marquée, plus accentuée, sans doute d'ailleurs étroitement liée à ce dont on va parler au cours de notre entretien, c'est que on a besoin de déchiffrer, on a besoin de décrypter, j'emploie déjà des mots avant-coureurs, puisque nous allons parler d'Edward Snowden, on a besoin d'y voir plus clair, et les sciences humaines, sciences sociales nous aident en cela? Mais ça je le crois, alors après la situation est toujours difficile à interpréter, ce sont des intuitions. Moi, il me semble que on a vécu, ma génération, et les plus jeunes ont vécu l'irruption des flux, des médias de flux en particulier, qui remplissent leur office de se tenir au courant de ce qui se passe heure par heure, minute par minute, mais que paradoxalement, ça a redonné, après une période de doute et de mise en crise, une place au livre, et au livre papier en particulier, puisque le livre électronique a finalement assez peu démarré en France, en dehors de quelques genres. Enfin, disons de la littérature de genre, hein, la romance, l'heroic fantasy, ce genre de choses. Mais voilà, on lance le livre de Thomas Piketty qui fait 1300 pages ces jours-ci, aujourd'hui, me semble-t-il. Et c'est un gros livre, je suis sûr que nous allons le vendre. Et certains des plus gros succès que j'ai pu faire en sciences humaines, ces 10-15 dernières années, enfin, je parle à titre personnel, ont souvent été des livres relativement longs et relativement difficiles. Qu'est-ce que c'est un succès? Qu'est-ce qui est considéré comme un succès Un succès, je dirais que c'est plus de 10 000 exemplaires. Et ça peut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 50 000 et 250 ou 300 000 pour, dans le cas de Thomas Piketty. Alors venons-en, puisque le temps nous est compté et qu'en plus de ça, votre agenda est quelque peu rempli par une entrée qui vous demande d'être présent à tous les instants. À cet objet, Mémoire vive, signé Edward Snowden, je viens de le fermer. Nous parlons quelques jours avant la diffusion de cet entretien. Et l'actualité semble rejoindre le contenu de ce livre, puisque au moment où nous parlons, on vient d'apprendre que les ministres de la justice de 50 États sont en train d'enquêter sur les pratiques commerciales de Google, posant la problématique de la gestion des données personnelles. On peut dire que vous ne pouviez pas espérer meilleure campagne de communication. Et jalons. Oui, c'est en même temps, j'ai le sentiment que c'est une actualité permanente. Et c'est à la fois une actualité, une grande actualité permanente et une petite actualité, je veux dire, pour tout un chacun. On voit apparaître maintenant depuis la RGPD, à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau site internet, il faut dire ok, qu'on accepte que des cookies entrent dans notre ordinateur. Enfin, c'est le sentiment de surveillance, d'utilisation de ces données personnelles, c'est une expérience quotidienne. Aujourd'hui. Ça fait partie de notre actualité, ça fait partie de notre vie. Et ça fait aussi les gros titres, effectivement, de l'actualité, parce que on est confronté à un problème de big business, très clairement. Même si c'est pas le cœur de l'objet du livre de Snowden, sur les services secrets. Oui, justement, le cœur du livre de Snowden. Alors, je voudrais quand même passer par un préalable dont on a un tout petit peu parlé avant d'ouvrir ce micro. Concernant Snowden, qui n'est désormais plus du tout une personne anonyme, plusieurs documentaires, dont le plus célèbre est Citizen 4 de Laura Poitras, un film d'Oliver Stone, des livres déjà tout de même à foison non signés par Snowden. Il y en a peut-être un déjà ? Non, aucun. Ça, c'est le premier. Et plus ce livre. Alors, plus ce livre... Qu'est-ce que ça nous apporte, ce livre de plus ? Alors certes, il est signé par le bonhomme lui-même, mais vendez-nous-le donc, ce bouquin. Je vous le vends parce que c'est parce qu'il raconte pour la première fois son histoire, qui a déjà été effectivement racontée par d'autres. Ce qui a déjà été beaucoup raconté, c'est l'organisation de sa fuite, et puis tout ce qu'il avait à dire sur l'organisation de le projet de mise en place d'un programme de surveillance globale par les services secrets nord-américain, enfin états-unien. Ce qui avait été peut-être moins raconté, c'est son itinéraire. C'est pas la première fois que je publie un lanceur d'alerte. J'avais publié indirectement un livre d'Antoine Payon consacré à l'évasion fiscale chez UBS. On parle de la Suisse. Voilà. Merci de nous refaire de des amis. Rappeler, pardon. De nouveau. Et j'avais publié également l'autobiographie, ça c'était encore plus compliqué, d'Hervé Falciani, affaire HSBC. C'était intéressant parce que Antoine, de son côté, avait été directement en contact avec les lanceurs d'alerte d'UBS. J'avais été en contact directement avec Hervé Falciani dans un contexte particulièrement rocambolesque. J'étais allé le voir en Espagne, il était escorté par 20 flics. Enfin, c'était une histoire vraiment digne d'un roman d'espionnage. Et puis, j'avais affaire à quelqu'un d'un peu spécial. Voilà. Et puis, il y a eu le précédent de Assange. Et puis, maintenant, Snowden. Alors, Snowden, après, chacun se fera une idée. Et je trouve ça passionnant pour ça, de lire son autobiographie sur le personnage et ce qu'il a amené et les justifications qu'il avance pour expliquer ce choix extrêmement courageux de quitter brutalement les services de renseignement en emportant ses secrets et d'organiser effectivement l'information publique qu'il revendique auprès de journalistes. Il explique ça très très bien dans le livre. Et qu'est-ce qui conduit quelqu'un comme ça à traverser hors des clous? Voilà. Et à certains égards, enfin moi à titre personnel, là c'est vraiment une interprétation purement personnelle, je pense que le livre ne dévoile pas tout de qui est Edward Snowden, mais quel livre dévoile, la raison profonde d'une démarche, mais je pense qu'il faut être un peu fou. Et on a beaucoup reproché au lanceur d'alerte d'être un peu dingue. Assange est dingue, je pense qu'Assange est dingue, je pense qu'Hervé Falciani est un peu dingue, et je pense qu'il le revendiquerait. Mais il faut être un peu dingue pour faire ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est-à-dire les gens obéissants sont les gens rationnels. Les gens rationnels sont souvent des gens obéissants. Je me souviens d'un chercheur en sciences sociales qui m'avait expliqué que lui, il apprenait à son fils à traverser hors des clous. Et c'est important aussi d'apprendre à ses enfants à traverser hors des clous. Parce que le jour où vous êtes dans une situation, admettre par exemple l'occupation en France par les Allemands, si vous obéissez, et bien vous obéissez au pouvoir en place. Et vous n'avez jamais appris à désobéir. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment de sa vie, on se met à désobéir ? Et là, c'est un acte de désobéissance qui est incroyable, puisque là, il sacrifie sa vie professionnelle et sa vie personnelle, à certains égards. Et ça reste quand même, pour moi, il restera toujours une énigme autour de cette décision. Il y a quelque chose de fou. Et pour ceux qui se feraient une idée d'Edward Snowden, il faut tout de même rappeler son parcours idéologique sur le plan politique. Ce n'est pas, il en convient lui-même, quelqu'un qui est un militant. Néanmoins, il va prendre parti patriotiquement pour les États-Unis au lendemain des événements du 11 septembre. On pourrait dire qu'il est dans le camp des Bush, au sens large du terme, lui apportant son expertise technique. Sa compagne ne partage pas du tout ses idées. Lindsay est en effet, elle, beaucoup plus proche des démocrates et a plutôt tendance à pointer du doigt tous les dangers des Patriot Acts et autres actes votés par le gouvernement américain de l'époque. Il se chamaille là-dessus, on sent que ce sont des chamailleries profondes, mais qui restent quand même légères. Et c'est progressivement, d'ailleurs, sous son influence à elle, que son regard à lui va se modifier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, pour en donner le goût déjà? Oui, je pense qu'il y a la dimension humaine qui est très importante, effectivement, les relations avec Lindsay. Il y a aussi sa pratique professionnelle, je pense que ça compte aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui naît... C'est un, comme on dit, peut-être l'expression est déjà peut-être datée, un digital native. Enfin, il fait pas partie de ma génération. Il est vraiment né avec l'informatique, il naît avec l'internet ouvert et il voit cet internet ouvert progressivement se refermer. Et il y a aussi, je pense, quelque chose de cet ordre-là qui joue dans sa prise de décision, dans sa prise de conscience, en tout cas, des dangers du monde numérique. Au sens large, de sa privatisation. Qui se met en place, et de sa privatisation, ouais. Et de sa privatisation au sein même des structures du renseignement américain, et de son accaparement par les pouvoirs publics états-uniens pour ensuite, effectivement, mettre en place ces programmes de surveillance globale. Imaginez-vous assis devant un ordinateur, alors que vous êtes sur le point de vous rendre sur un site web. Vous ouvrez votre navigateur, tapez un URL et appuyez sur la touche « Entrée ». L'URL est une requête, et cette requête est envoyée vers son serveur de destination. Mais quelque part au cours de son voyage, avant que la requête ne parvienne à son serveur, elle devra passer à travers « Turbulence », l'une des armes les plus puissantes de la NSA. Plus spécifiquement, votre requête passera par plusieurs serveurs noirs empilés les uns sur les autres, d'à peu près la taille d'une bibliothèque à quatre rayonnages. Ces serveurs sont installés dans des salles spéciales au sein de bâtiments appartenant aux plus grands opérateurs télécoms privés dans des pays alliés, ainsi que dans des ambassades et des bases militaires américaines. Ils utilisent deux outils capitaux. Le premier, Turmoil, T-U-R-M-O-I-L, gère la collecte passive. Le second, Turbine, est responsable de la collecte active, au sens où elle manipule activement les données de l'utilisateur. Vous pouvez imaginer Turmoil comme un garde posté devant un pare-feu invisible à travers lequel passe tout le trafic Internet. Quand votre requête arrive, il vérifie ses métadonnées pour voir si elle possède l'un des critères indiquant que la requête doit être examinée de plus près. Ces critères sont du ressort arbitraire de la NSA. Et relève de tout ce que l'agence considère comme suspect. Une adresse mail, un numéro de carte de crédit ou un numéro de téléphone particulier. L'origine ou la destination géographique de votre activité Internet. Ou bien juste certains mots-clés comme proxy anonyme ou manif. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Là-bas, des algorithmes décident quel programme, quel logiciel malveillant ou malware de l'agence va être utilisé contre vous. Ce choix est aussi bien fondé sur le type de site que vous vous apprêtez à visiter que sur votre connexion Internet ou les softwares qu'utilise votre ordinateur. Les programmes choisis sont renvoyés à Turbine par des programmes de la suite Quantum, si vous vous posez la question, qui les injectent dans le trafic et vous les refilent en même temps que le site web que vous cherchiez à visiter. Et voilà le résultat. Vous avez eu le contenu que vous vouliez, avec la surveillance dont vous ne vouliez pas. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. Une fois que les programmes sont sur votre ordinateur, la NSA n'a plus seulement accès à vos métadonnées, mais également à toutes vos données. Désormais, votre vie numérique lui appartient entièrement. Mémoire vive. Edward Snowden. Vous Vous n'êtes sans doute, Hugues Jallon, comme moi, pas tout à fait un expert dans les questions strictement technologiques. Il faut bien dire que Mémoire vive d'Edward Snowden en contient un assez grand nombre. Néanmoins, on se perd pas tout le temps, ou tout au moins, il y a des endroits, moi je vous le dis très franchement, les yeux dans les yeux, j'ai sauté, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai essayé de suivre le fil biographique. Mais justement, ce livre est quand même construit de manière assez curieuse, c'est que on peut passer par des cases techniques un peu complexes, mais on revient quand même à la vie. Il a un fil directeur, alors que c'est pas un auteur à proprement parler, c'est son premier bouquin. Mm-hmm. Vous, puisque vous avez l'expérience... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était aussi un livre écrit par un informaticien sur l'informatique et sur la culture informatique. Alors moi, je suis comme vous, j'ai pas une grande culture informatique, mais je me souviens avoir cité cette anecdote quand on a pu rendre public qu'on allait publier le livre d'Edward Snowden. Les gens dans la maison, aux éditions du Seuil, m'ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ?» J'aurais dit « Il y a plein de choses, il y a des considérations aussi sur l'informatique. » Par exemple, moi, j'ai appris un truc... que je voyais, mais que je comprenais, mais que je m'étais jamais posé la question. Edward Snowden l'explique très bien. Lorsque vous transférez sur une clé USB un fichier de 5GO, 5MO, je ne maîtrise pas moi-même. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Mais quand vous le mettez à la poubelle, ça prend une seconde. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire, détruire un fichier prend très peu de temps, vraiment une demi-seconde. En revanche, transférer ce même fichier très lourd peut prendre jusqu'à plusieurs minutes. Pourquoi ? Que détruire n'est pas détruire. Parce que, effectivement, le fichier n'est pas détruit. Ce qu'on détruit, c'est le chemin d'accès au fichier. Bon, voilà. Alors moi, j'ai trouvé ça absolument lumineux, comme de me dire ça. Ça m'a éclairé sur quelque chose dont je fais l'expérience quasiment tous les jours. Alors moi, j'ai appris à me servir de signal. Ça, c'est aussi le côté un peu amusant de l'affaire de l'édition de ce livre qui a été assez compliqué. Puisque, d'après ce que je savais, seules 3 personnes au sein de la maison d'édition états-unienne étaient au courant de l'existence du livre. Donc ils ont vraiment tenu secret jusqu'au dernier moment. Et l'ensemble des éditeurs, c'est-à-dire plus de 20, qui publient le livre quasi simultanément, d'autres le publieront un tout petit peu plus tard, échangeaient et correspondaient sur Signal, qui est une messagerie cryptée, que recommande d'utiliser Edward Snowden dans son livre. Donc ça, c'était plutôt amusant, de découvrir soi-même des outils que... Voilà, moi, j'avais pas l'usage de Signal auparavant. Et l'autre aspect amusant, effectivement, c'est que la manière dont j'ai été informé de l'existence de ce livre, c'est que un agent de ma connaissance, qui représentant les intérêts de la maison Holt Metropolitan Books, m'a appelé un jour en me disant « il faut que je te parle de quelque chose ». Alors j'ai dit « dis-le-moi au téléphone ». Ah non, pas au téléphone. Alors on a pris un café, etc. Il m'a dit « il faut que tu viennes lire un manuscrit chez moi ». Et donc je suis allé lire le manuscrit d'Edward Snowden chez elle, une après-midi, en papier, qu'elle était allée chercher elle-même à Londres, le manuscrit papier, puisque rien ne pouvait passer sur informatique. Donc ça, c'était une expérience très intéressante, qui a continué pendant tout le processus d'édition du texte. Parce que le manuscrit lui-même, le nom d'Edward Snowden n'apparaissait pas, il apparaissait sous le nom de Victor King, tout était maquillé. C'est dès qu'au dernier moment qu'on a remplacé le nom de Victor King par Edward Snowden dans la totalité du texte. C'était facile de faire ça sur un Word. Mais avec le traducteur, il a fallu à chaque fois travailler sur un ordinateur déconnecté, etc. Enfin, c'était les consignes qui nous avaient été adressées par l'éditeur nord-américain. Et donc, c'était amusant de se retrouver à publier un livre sur l'informatique, sur les réseaux, sur Internet, sur la surveillance, sur l'espionnage, etc. Mais de tout faire en papier. C'est-à-dire d'un seul coup d'être dans un processus de ralentissement de nos process. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, dans l'édition, on en a parlé au début, depuis 20 ans, tout s'accélère, on fait un livre de plus en plus vite. Si vous voulez faire un livre en une semaine, vous pouvez le faire. À l'époque de la compo au plomb, c'était pas comme ça. Donc on a participé, finalement, au mouvement d'accélération de la création dans l'édition. Et bien, finalement, avec un livre consacré, effectivement, au réseau, à l'informatique, etc., je me retrouvais dans une position inverse, de devoir ralentir, tout en devant tenir des délais. Donc c'était plutôt amusant. Et qui plus est, vous plongez dans un univers qui est tout de même l'univers dans lequel Snowden baigne et l'univers qu'il décrit. Pourquoi, selon vous, si toutefois vous avez des réponses, avoir entouré d'autant de garde-fous toute cette construction ? Vous voulez dire de la part de l'éditeur pourquoi avoir tenu secret tout ça ? Je pense que tout simplement pour la raison qu'il est poursuivi pour acte d'espionnage aux États-Unis. Et je pense qu'il y avait, vraiment une volonté de... Sous-entendu, la maison d'édition originale prend un risque? Ah, je pense qu'elle a pris... Alors, est-ce qu'elle prend un risque effectif aujourd'hui? Ça, je suis pas juriste pour voir si elle se rend complice de Snowden. Mais en tout cas, ils ont voulu prendre toutes les garanties pour que... Et l'anecdote, effectivement, et moi, c'est curieux parce que... Donc, début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Pardonnez-moi, je ris. Non, ça a fait... Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas fait le lien. Et on ne m'a volé que nos ordinateurs. Et donc, le lendemain, je vais au bureau. Et je raconte à mes collaborateurs, écoutez, j'ai été cambriolé, etc. Et quelqu'un me dit, mais c'est pas lié au truc que t'es allé lire, dont on sait rien. Et là, je fais ding. J'avais pas fait le lien moi-même. Et donc, bon, on saura jamais. Ça se trouve, c'est une pure coïncidence. Mais en tout cas, j'ai été cambriolé 15 jours après avoir lu ce manuscrit. La NSA appelle cela des métadonnées. Le préfixe « méta », traditionnellement traduit par « au-dessus » ou « au-delà », est ici utilisé dans le sens d'à propos, des données à propos d'autres données, des données issues d'elles-mêmes de données, un ensemble de marqueurs rendant ces données utiles. La façon la plus simple de se représenter les métadonnées est de les envisager comme des données d'activité, c'est-à-dire l'enregistrement de toutes les choses que vous faites avec vos appareils et tout ce que ces derniers font d'eux-mêmes. Imaginons que vous téléphoniez à quelqu'un depuis votre portable. Les métadonnées peuvent alors inclure la date et l'heure de votre conversation, la durée de l'appel, le numéro de l'émetteur, celui du récepteur et l'endroit où l'un et l'autre se trouvent. Les métadonnées d'un email peuvent indiquer le genre d'ordinateur utilisé, le nom de son propriétaire, le lieu depuis lequel il a été envoyé, qui l'a reçu, quand il a été expédié et quand il a été reçu, qui l'a éventuellement lu en dehors de son auteur et de son destinataire, etc. Les métadonnées peuvent permettre à celui qui vous surveille de connaître l'endroit où vous avez passé la nuit et à quelle heure vous vous êtes réveillé ce matin-là. Elles permettent de retracer ce que fut votre parcours dans la journée, combien de temps vous avez passé dans chaque endroit visité et avec qui vous avez été en contact. Mémoire vive, Edward Snowden. Hugues Jallon, quel portrait donne de lui Edward Snowden? Parce que c'est écrit au mode « je ». On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas intégralement d'un plaidoyer pro domo, quoique il parle pour, sinon se justifier, tout au moins expliquer la construction de son geste. Mais au-delà du geste et dans toute l'explication narrative et biographique, quelle sensation vous donne ce bonhomme? Comment vous apparaît-il? Et d'ailleurs, vous savez que j'ai eu envie de le rencontrer la dernière page fermée. Oui. Hein? Et moi, quand je l'ai terminé et quand j'en ai parlé, quand j'ai pu en parler à l'équipe, et c'est un peu comme ça que j'avais envie de leur en parler quand c'était secret et qu'il fallait quand même prospecter auprès des librairies, etc. J'avais envie de leur dire on va publier un héros de notre temps. J'avais le sentiment de lire l'autobiographie d'un héros, tout simplement. Alors c'est peut-être un peu comme ça, dithyrambique comme adjectif. Mais si vous me demandez quelle impression il m'a donné, mystérieux, émouvant et conséquent. Moi je trouve que c'est quelqu'un de conséquent dans un monde qui manque sérieusement, enfin qui a un esprit d'inconséquence. Voilà, c'est pour moi c'est ce genre de personnage force l'admiration. Quand vous avez, on l'oublie comme on oublie tout, il faut toujours le rappeler, un ministre des Finances de la République qui pratique l'évasion fiscale tout en prétendant la combattre, je veux dire, on vit dans un monde d'inconséquences. Et là, on a quelqu'un, alors effectivement, ça apparaîtra au lecteur comme un petit peu pompeux parfois, qui se réclame de la Constitution américaine, de ses grands principes, de la protection des libertés publiques, etc. Mais en même temps, merde, il ne nous reste pas grand-chose dans le monde dans lequel on vit. Il ne nous reste pas grand-chose que ces grands principes-là, et je trouve que quelqu'un qui prend la décision d'être conséquent avec ses idées, et prendre tous ces risques-là, ça force le respect. Et surtout quand c'est quelqu'un plus jeune que moi. J'ajouterais peut-être un mot à ce portrait, je ne sais pas si vous le partagerez, mais il m'est apparu comme un infatigable bosseur. Ah oui, ça je pense que c'est un surdoué. Je pense qu'il a quelque chose d'un surdoué. Il y a le Rubik's Cube. Moi, j'ai jamais su même aligner une seule phase d'un Rubik's Cube. Faut dire un mot. Oui, c'est il l'a toujours dans les mains. Cette espèce d'objet fétiche qui, par ailleurs, l'aide à un moment à décompresser. Elle aide à faire sortir à un moment, à détourner l'attention des vigiles de la CIA au moment fatidique où il doit sortir tous les secrets. C'est effectivement très impressionnant toutes les précautions qu'il peut prendre pour ce qu'on s'identifie. Le livre est très bien fait, ça se lit comme un Le Carré, mais on a le sentiment de quelqu'un qui garde la tête froide, même s'il montre et révèle ses moments de panique et d'angoisse. Il est très impressionnant dans la préparation de sa fuite et comment il l'organise. Il sait déjà qu'il va pas tout révéler au grand public, il va pas passer par WikiLeaks, il veut parler à des journalistes, il veut pas révéler des contenus, il veut révéler des méthodes. Il est quand même très lucide et très construit dans sa tête, et ça je trouve ça très impressionnant. Avec des réflexions qui sont et non fumeuses d'ordre philosophique, sociologique, une réflexion effectivement sur l'État, sur la Constitution. Il pose la Constitution sur un coin de bureau, ce qui a le don d'effarer ses collègues qui lui demande d'abord qu'est-ce que fait un livre dans une salle pareille, parce qu'il n'y a que des ordinateurs, il n'y a plus de livres. Absolument. Et puis, il y a un truc parent, par exemple, donc le livre était secret, on n'avait rien le droit de dire, absolument rien sur son nom, etc., parce qu'il avait décidé qu'il voulait rendre public l'existence de ce livre, non pas le livre lui-même, puisqu'il n'est pas, il est encore sous embargo, mais le 1er août de cette année, pendant l'été, au milieu de l'été. Vous imaginez, pour un Français, le truc commode de faire un communiqué de presse le 1er août pour dire que vous avez publié à la rentrée le livre d'Edward Snowden. Alors, ça a circulé, etc., mais enfin, beaucoup. Mais pourquoi le 1er août? C'est ce que c'est le jour de la Constitution aux États-Unis. Et voilà, je pense que ça le résume aussi. Ça résume aussi la démarche du gars. Voilà, il a un rapport, on va dire, fétichiste, obséquieux, respectueux de la Constitution. Pour lui, c'est quelque chose. C'est pas juste des 20 mots. Mais aussi éducatif, car ses parents l'ont aussi nourri de cette fidélité-là. À titre personnel, ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça a pu changer depuis que vous avez fermé le bouquin sur vos usages, à vous, de l'ordinateur et de l'informatique en général? Est-ce que ça a changé quelque chose? Bon, alors moi, le truc marrant, c'est que je n'avais pas de smartphone avant de publier Edward Snowden. Je n'avais que des vieux Nokia des années 90 qui faisaient pas les emails, sans accès à Internet, etc. Bon, j'avais un ordinateur, une connexion Internet comme tout le monde. Voilà. C'est terrible. Voilà. Donc j'avais deux petits téléphones et j'ai dû, pour avoir signal, m'équiper d'un smartphone pour pouvoir que je vais rendre quand le livre sera définitivement publié. Donc j'ai découvert ce monde du smartphone, la puissance surtout de ces nouveaux outils, enfin voilà, ces nouveaux téléphones, qui m'a effectivement impressionné. Donc c'était un peu bizarre comme expérience pour moi, à la fois de découvrir effectivement tous les dangers que recèle l'utilisation d'Internet pour sa vie privée, ce dont j'avais conscience, hein, c'est pas le premier livre qui est publié sur le sujet, et en même temps d'en faire, voilà, de faire l'expérience de la puissance de ces objets que mes enfants ont et utilisent quotidiennement. Ça me fait vraiment très peur. Un petit mot sur ou un grand mot sur la traduction, parce que c'est toujours une opération délicate. Oh ben c'est une traduction commando, comme on dit. Il faut aller très vite, puisqu'on a eu le manuscrit vraiment très tard. Et donc deux traducteurs s'y sont finalement collés. Et avec, chacun traduisant une partie. Ouais. Et avec révision effectivement de la traduction, je m'y suis collé aussi personnellement, et révision des épreuves aussi pendant l'été. Ah oui, ça n'a pas été une sinécure. Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous.